Chapitre 11. Un jour, Jésus priait en un certain lieu. Quand il eut fini, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. » Jésus leur déclara, « Quand vous priez, dites, « Père, que la sainteté de ton nom soit reconnue, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour la nourriture nécessaire. Pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons nous-mêmes à tous ceux qui nous ont fait du mal. Et ne nous conduis pas dans la tentation. » Jésus leur dit encore, « Supposons ceci. L'un d'entre vous a un ami qu'il s'en va trouver chez lui à minuit pour lui dire, « Mon ami, prête-moi 3 pains. Un de mes amis vient d'arriver de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et supposons que l'autre lui réponde de l'intérieur de la maison, « Laisse-moi tranquille. La porte est déjà fermée à clé. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne peux pas me lever pour te donner des pains. » Eh bien, je vous l'affirme. Il ne se lèvera peut-être pas pour les lui donner parce qu'il est son ami. Mais il se lèvera et lui donnera tout ce dont il a besoin parce que, sans se gêner, son ami continue à demander. Et moi, je vous dis, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira la porte. Car tout homme qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre la porte à celui qui frappe. Si l'un d'entre vous est père, donnera-t-il à son fils un serpent alors qu'il lui demande un poisson? Ou bien lui donnera-t-il un scorpion s'il demande un œuf? Tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison donc, le Père qui est au ciel, donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Jésus était en train de chasser un esprit mauvais qui rendait un homme muet. Quand l'esprit mauvais sortit, le muet se mit à parler et les foules furent remplies d'étonnement. Mais quelques-uns dirent, « C'est Belzéboul, le chef des esprits mauvais, qui lui donne le pouvoir de chasser ses esprits. » D'autres voulaient lui tendre un piège. Ils lui demandèrent de montrer par un miracle que son pouvoir venait de Dieu. Mais Jésus connaissait leurs pensées. Il leur dit alors, « Tout royaume dont les habitants luttent les uns contre les autres finit par être détruit. Ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si donc Satan est en lutte contre lui-même, comment son royaume pourra-t-il continuer à exister? Vous dites en effet que je chasse les esprits mauvais parce que Belzéboul m'en donne le pouvoir. Si je les chasse de cette façon, qui donne à vos partisans le pouvoir de les chasser? Vos partisans eux-mêmes démontrent que vous avez tort. En réalité, c'est avec la puissance de Dieu que je chasse les esprits mauvais, ce qui signifie que le royaume de Dieu est déjà venu jusqu'à vous. Quand un homme fort et bien armé garde sa maison, tous ses biens sont en sûreté. Mais si un homme plus fort que lui arrive et s'en rend vainqueur, il lui enlève les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue tout ce qu'il lui a pris. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne m'aide pas à rassembler disperse. Lorsqu'un esprit mauvais est sorti d'un homme, il va et vient dans des endroits desséchés en cherchant un lieu où se reposer. S'il n'en trouve pas, il se dit « Je vais retourner dans ma maison que j'ai quittée. » Il y retourne et trouve la maison balayée, bien arrangée. Alors il s'en va prendre 7 autres esprits encore plus mauvais que lui. Ils reviennent ensemble et s'installent dans les lieux. C'est ainsi que, finalement, l'état de cet homme est pire qu'au début. Jésus venait de parler ainsi quand une femme s'adressa à lui du milieu de la foule. « Heureuse est la femme qui t'a porté en elle et qui t'a allaité. » Mais Jésus répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et lui obéissent. » Comme les foules s'amassaient autour de Jésus, il se mit à dire, « Les gens d'aujourd'hui sont mauvais. Ils demandent un miracle qui soit le signe de l'intervention de Dieu. Mais aucun miracle ne leur sera accordé, si ce n'est celui de Jonas. Car de même que Jonas fut un signe pour les habitants de Ninive, ainsi le Fils de l'homme sera un signe pour les gens d'aujourd'hui. » Au jour du jugement, la reine du Sud se lèvera en face des gens d'aujourd'hui et les accusera, car elle est venue des régions les plus lointaines de la terre pour écouter les paroles pleines de sagesse de Salomon. Et il y a ici plus que Salomon. Au jour du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en face des gens d'aujourd'hui et les accuseront, car les Ninivites ont changé de vie quand ils ont entendu prêcher Jonas. Et il y a ici plus que Jonas. Personne n'allume une lampe pour la cacher ou la mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur le porte-lampe, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Tes yeux sont comme la lampe de ton corps. Si tes yeux sont en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais si tes yeux sont mauvais, alors ton corps est dans l'obscurité. Ainsi, prends garde que la lumière qui est en toi ne soit pas obscurité. Si donc tout ton corps est éclairé, sans aucune partie dans l'obscurité, il sera tout entier en pleine lumière, comme lorsque la lampe t'illumine de sa brillante clarté. Quand Jésus eut fini de parler, un pharisien l'invita à prendre un repas chez lui. Jésus entra et se mit à table. Le pharisien s'étonna lorsqu'il remarqua que Jésus ne s'était pas lavé avant le repas. Le Seigneur lui dit alors, « Voilà comme vous êtes, vous, les pharisiens. Vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur vous êtes plein du désir de voler et plein de méchanceté. Insensé que vous êtes, Dieu qui a fait l'extérieur n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur? Donnez donc plutôt aux pauvres ce qui est dans vos coupes et vos plats, et tout sera pur pour vous. Malheur à vous, pharisiens. Vous donnez à Dieu la dixième partie de plantes comme la menthe et la rue, ainsi que de toutes sortes de légumes, mais vous négligez la justice et l'amour pour Dieu. C'est pourtant là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger le reste. Malheur à vous, pharisiens. Vous aimez les sièges les plus en vue dans les synagogues, et vous aimez à recevoir des salutations respectueuses sur les places publiques. Malheur à vous. Vous êtes comme des tombeaux qu'on ne remarque pas et sur lesquels on marche sans le savoir. » Un des maîtres de la loi lui dit, « Maître, en parlant ainsi, tu nous insultes, nous aussi. » « Malheur à vous aussi, maître de la loi, répondit Jésus. Vous mettez sur le dos des gens des fardeaux difficiles à porter, et vous ne les aidez pas même du bout d'un seul doigt à porter ces fardeaux. Malheur à vous. Vous construisez de beaux tombeaux pour les prophètes, ces prophètes que vos ancêtres ont tués. Vous montrez ainsi que vous approuvez les actes de vos ancêtres, car ils ont tué les prophètes, et vous, vous construisez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a déclaré, je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils tueront certains d'entre eux et en persécuteront d'autres. Aussi les gens d'aujourd'hui seront-ils punis pour le meurtre de tous les prophètes qui ont été tués depuis la création du monde, depuis le meurtre d'Abel jusqu'au meurtre de Zacharie, qui fut tué entre l'autel et le sanctuaire. Oui, je vous l'affirme, les gens d'aujourd'hui seront punis pour tous ces meurtres. Malheur à vous, maître de la loi. Vous avez pris la clé permettant d'ouvrir la porte du savoir. Vous n'entrez pas vous-même, et vous empêchez d'entrer ceux qui le désirent. Quand Jésus eut quitté cet endroit, les maîtres de la loi et les pharisiens se mirent à lui manifester une violente fureur et à lui poser des questions sur toutes sortes de sujets. Ils lui tendaient des pièges pour essayer de le surprendre en train de dire quelque chose.